Descendre en décembre, une enquête du commissaire Volpi par Jean Darrigue. Chapitre 1er, Tempête. La porte d'entrée claque soudain. Aussitôt, je perçois un froissement de tissu, de caoutchouc tordu, comme si un immense oiseau ébrouait ses ailes. C'est Lisa, ma fille. Pétard, c'est pas vrai ce qu'il peut cailler, papidou. Je te préviens, s'il fait ce temps-là demain, je ne vais pas au lycée. J'ai bien cru que j'allais passer la nuit à Martigues. C'est vrai que ce soir, il fait un vent d'est à décorner les bœufs. Les paquets de flotte viennent s'écraser sur les vitres, comme si un géant jetait des seaux d'eau. Je me félicite d'avoir remplacé les menuiseries cet été par des doubles vitrages en PVC. Le ciel, gris foncé au ras de l'horizon, donne à la mer en furie, frangée d'écume jaunâtre, un aspect versal, couleur rare pour la Méditerranée. Sans le style des maisons de Saussay, on pourrait tout à fait se croire sur Terre-Neuve ou au Cap-Breton. Je n'ai pas été voir, mais je suis sûr que l'avenue du général Leclerc, en front de mer, doit être impraticable. Des paquets de mer doivent balayer toute la chaussée jusqu'au parking d'en face. Idem pour la route du littoral après le port, en direction de la Couronne. Et dire que certains se régalent de ce spectacle comme s'ils étaient au feu d'artifice. De temps à autre, dominant le hurlement du vent, un claquement sec se fait entendre. Certainement, un volet dont c'est la fin prochaine. La nuit tombe très vite. Par la fenêtre, avant le noir complet, j'ai le temps de vérifier la température extérieure au thermomètre géant sur la terrasse. 1 degré. En décembre, rien d'extraordinaire pour un Parisien. Mais de quoi caner pour un Marseillais. Surtout pour quelqu'un comme moi qui vient d'être opéré d'un poumon. Opération lourde. Mais l'affection étant heureusement bénigne, j'ai 99 chances sur 100 de guérir définitivement. Lisa vient me mettre une de ses mains mouillées dans le cou pour me faire marronner, ce qu'elle adore par-dessus tout, et pour me prouver la rudesse du climat. Comme elle est belle. Même en hiver, elle a un teint légèrement hâlé qui renforce l'image pleine de vie et de santé qu'elle dégage. Aussi belle que sa mère, mais avec mes yeux bleus. Elle n'a que 15 ans et me dépasse presque. Je commence déjà à me faire du souci, et qu'on ne vienne pas me dire que ce sont mes origines italiennes qui me donnent ces angoisses. Avoir la perfection du sujet, n'importe quel père se ferait du souci, à moins d'être inconscient. Je surveille discrètement ses relations et l'encourage à me raconter ses petits secrets, que j'écoute avec une indulgence feinte, au contraire de Gilda, sa mère, qui entre dans des rages folles selon ce que Lisa lui raconte. Après cet intermède chaud pour mon cœur mais froid pour mon cou, je reprends ma place dans mon fauteuil près de la fenêtre. Je ne vois plus rien à travers les vitres. Mais la fureur des éléments me transmet une sourde inquiétude. Je n'aime pas le froid. Je n'aime pas la pluie. Je n'aime pas la nuit. Je n'aime pas la tempête. Je crains les inondations, les pannes de courant prolongées, les arbres abattus, les voitures et les bateaux échoués dans la tourmente. Le fait que je sois à l'abri bien au chaud ne m'exonère pas de ces noires pensées. Je me replonge dans un bouquin passionnant qu'un collègue m'a offert pour ma convalescence. Les affaires non élucidées des 30 dernières années. Celle que je lis et que remonte à loin ne me rappelle rien, à première vue. Dans une agence bancaire de Pau, ce matin-là, Marcel était un peu nauséeuse, son petit dernier l'ayant tenu éveillé une bonne partie de la nuit. Elle relevait nonchalamment les bordereaux de la veille, en attendant que le gros des clients arrive. Son collègue Simon n'avait pas l'air plus vaillant qu'elle. Ils venaient tous deux d'accompagner leurs gosses respectifs à l'école. Deux hommes, vêtus de combinaisons bleues d'ouvriers, entrèrent dans l'agence déserte, chacun une boîte à outils sous le bras. « Monsieur, dame, on vient vérifier la tension des lignes. » Chaque ouvrier se planta devant un des deux employés derrière leur comptoir. Le premier sortit une photo polaroïd et la mit sous le nez de Marcel. « Vous connaissez cette frimousse ? » dit-il, l'air engageant. Du coin de l'œil, Marcel vit que l'autre ouvrier avait lui aussi montré une photo à Simon. Chacune des photos représentait l'enfant de l'employé concerné, tout souriant, portant fièrement son petit cartable, devant une fourgonnette 4L bleue. « Vous voyez la 4L garée en face, près du square ?» Marcel et Simon virent effectivement le véhicule sous les platanes de l'autre côté de la place. « Vos enfants sont à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, ils sont en train de jouer et de se gaver de bonbons. N'appuyez sur aucun bouton, si vous voulez les revoir en vie. » Le plus grand des deux sortit un trousseau de clés et le fit tourner en l'air. « En échange des clés, vous allez remplir nos sacoches avec toutes les grosses coupures que vous avez, Dépêchez-vous, c'est une question de vie ou de mort. Allez !» dit-il en jetant sa sacoche à Marcel. Après un moment d'hésitation et un coup d'œil interrogatif à son collègue, Marcel se leva et entreprit d'ouvrir sa caisse et le petit coffre derrière elle. Elle enfourna l'Elias avec une ardeur zélée pendant que son collègue faisait de même. « Allez, bougez-vous, c'est trop lent !»« Encore, il n'y en a pas assez !» Lorsque les employés rendirent les sacoches, le plus grand jeta les clés sur le guichet. « Vous voyez, on est réglo !» Simon se précipita sur le trousseau et plongea sous le comptoir pour actionner l'alarme. « Arrête, du con ! À ta place, je ferai pas ça !» hurla le plus grand. « Regarde un peu !» L'homme sortit de sa poche un petit boîtier dont il déploya l'antenne. « J'appuie et la bagnole saute ! Vos lardons partent en fumée !» La ruse était grossière, car il ne s'agissait certainement que d'un petit transistor, mais dans la panique, les deux employés auraient pu gober n'importe quoi. Lestés de leur sacoche, les deux hommes sortirent de la banque sans empressement et montèrent dans une berline garée un peu plus loin. Dès la voiture partie, Marcel et Simon se précipitèrent vers la 4L qui était vide. L'alarme fut donnée. Les deux enfants jouaient tranquillement dans leur cour de récréation et n'avaient jamais été enlevés. D'après l'enquête, les deux hommes garèrent leur voiture quelques rues plus loin, enlevèrent leurs combinaisons pour enfiler des survêtements et, munis chacun d'un sac de sport, abandonnèrent le véhicule volé en s'éloignant tranquillement. Or, une centaine de mètres de là, un motard fit irruption dans la rue tranquille. Parvenu à la hauteur des deux hommes, le pilote sortit un calibre muni d'un silencieux et logea gentiment une balle dans la tête d'un des deux malfrats. L'autre récupéra le sac du mort et un paquet sous chaque bras, enfourcha la moto derrière le pilote qui démarra dans un hurlement de moteur. Un homme avait vu toute la scène de sa fenêtre. Le seul détail qui pouvait guider les enquêteurs était que le pilote était certainement une femme. Le témoin l'avait reconnu à la forme des cuisses moulées sous le cuir et aux cheveux follets qui dépassaient du casque. Les signalements donnés par les employés ne permirent aucune identification. Après de longs mois, le mort finit par parler. On réussit à identifier un nommé Vicente Iturralde, inconnu des services de police et de douane. L'origine du nom orienta l'enquête vers l'ETA, qui venait peut-être de réaliser là une opération d'extorsion de fonds. Malgré la coopération de la police espagnole, cette piste ne donna absolument rien. On ne comprit jamais pourquoi une affaire si rondement menée sans casse ni violence s'était terminée d'une manière si dramatique et si barbare. Avait-on éliminé le cerveau du groupe ou le maillon faible? Ou bien était-ce une improvisation de dernière minute de la part de la motarde? Le mystère restait entier. Effectivement, l'affaire me revient maintenant en mémoire. J'avais même demandé à ce qu'une note circulaire soit envoyée aux agences bancaires de ma région afin de les mettre en garde contre le procédé au cas où les malfrats tenteraient de rééditer leur exploit du côté de chez nous. De plus, mis à part le crime de la motarde, l'affaire avait de quoi tenter les artistes talentueux du casse bien fait. Un peu dans le flou, je repose mes lunettes sur mon livre fermé. Dehors, les éléments se déchaînent toujours. Allez, je vais passer à la cuisine où m'attend la dorade prévue pour ce soir. En m'entendant farfouiller dans les plats métalliques, Gilda, du bureau, me lance. Ah, je croyais que tu nous avais oubliés. Pas trop d'oignons, hein, tu sais que je n'aime pas. Mon épouse est plongée dans un dossier d'aménagement d'une école. Il lui arrive souvent de ramener du travail à la maison. Elle dit être plus à l'aise pour réfléchir, et quelquefois, elle me demande mon avis. Petit à petit, elle a grimpé les échelons de la fonction territoriale, grâce à son travail, ses compétences et aussi, n'en déplaise aux féministes, à l'attirance qu'elle suscite dès qu'elle apparaît. Comme disait l'autre, il vaut mieux être belle et intelligente que moche et bête. Ça aide, quand même, pour la promotion. Tout à coup, un craquement sinistre se fait entendre, suivi d'un coup sourd qui ébranle toute la maison. Je me précipite, allume le jardin et jette un coup d'œil dehors. Sur la gauche, un massif inhabituel se balance au gré du vent. Comme je le prévoyais, un pin du voisin s'est partagé en deux sous les coups de la bourrasque. La branche maîtresse s'est abattue à cheval sur la haie mitoyenne, endommageant les lauriers et la clôture. Bon. Heureusement que ce n'est pas tombé sur la toiture et j'espère que mon voisin Bart a une bonne assurance. Allez, par ce temps et dans la nuit, il y a rien à faire maintenant. Il fera jour demain. Qu'est-ce que c'est ? Dit Gilda d'un ton craintif, venu aux nouvelles. C'est la moitié d'un pin de chez Bart qui vient de s'abattre sur la clôture. Tu vois, si je n'avais pas fait couper ceux qui étaient trop près de la maison, contre ton avis, madame, nous en aurions peut-être un au beau milieu du salon ce soir. Oh, toi, s'il fallait t'écouter. Saucer les pains ressemblerait à un caillou. Allez, j'y retourne, j'ai presque fini. Tu liras ma note de synthèse? J'ai peur d'avoir laissé passer une ou deux fautes. Je retourne m'affairer dans ma cuisine. Bientôt Lisa vient pointer son petit museau. Tu ne mets pas de tomates, Papidou? Ma fille, ce n'est pas la saison des tomates, à moins qu'elles viennent d'un labo ou de Pétaouchnok. J'ai mis des pommes de terre bien de chez nous, et avec le thym, le citron, l'ail et une larme de pastaga, ce sera bien suffisant. J'allais mettre ma dorade au four lorsque des coups rapides sont frappés à la porte. « Va voir, je suis occupé, » me chante chacune de mes femmes. J'ouvre la porte sur Louisa, la bonne portugaise des Barthes. Cette grande fille bien bâtie est d'ordinaire assez placide. Là, elle est essoufflée, pâle et tremblante. « Monsieur Volpi, venez vite, c'est Madame Barthes. Je crois qu'elle est. » « Monsieur Barthes est devenu comme fou. » « C'est à cause de l'arbre ?» Louisa ne me répond pas et se dirige déjà du côté de chez les Barthes. « Ça doit être sérieux. » J'enfile mon manteau tout en criant dans la cage d'escalier. « Il y a une angasse chez Barthes. J'y vais, Gilda. Mets la dorade au four. 30 minutes !» Je suis Louisa qui court comme une possédée. La porte des Barthes est restée ouverte sur le froid et le vent. Dès le hall, j'entrevois un drame familial et domestique. Maïtena Barthes gît allongée sur le dos dans la première volée d'escalier, la tête faisant un drôle d'angle avec les épaules. Au-dessus d'elle, assis sur une marche, la tête dans les mains, secouée de sanglots, Fred Barthes gémit faiblement. À ses côtés, pampant, dans sa robe fauve de setter irlandais, tourne en rond en jetant des regards attristés vers son maître, comme s'il se sentait coupable de ne pouvoir le consoler. Je tâte le pouls de Maïtena pour en constater l'absence. La main est encore chaude. Il y a juste quelques minutes qu'elle vient de mourir. J'essaye de me frayer un passage sans marcher sur le corps et saisis Barthes par les épaules. « Fred, ne te laisse pas aller. Viens prendre en remontant. Allez, viens t'asseoir au salon. » Il faut que je le tire carrément par les bras pour l'obliger à se lever et le pousse doucement à descendre l'escalier. Il se laisse tomber dans le sofa, mais reprend sa position, sa tête chauve dans les mains. Louisa pose 3 verres sur la table, une bouteille de Giant Bee et nous sert à tous 3 une bonne rasade. Suit un blanc de 2 ou 3 minutes, pendant lequel je profite pour détailler le salon mieux que je ne l'avais fait jusqu'à ce jour. Cette pièce occupe la quasi-totalité du rez-de-chaussée, mis à part un vaste cabinet de toilette et la cuisine. Un bel escalier à 2 volets en chêne clair trône au beau milieu et conduit à la coursive du premier étage, formant un balcon qui dessert toutes les pièces. Protégé par une belle balustrade également en chêne clair, ce balcon domine tout le salon. Dans le fond de la pièce, toutes les baies donnent sur la terrasse et la piscine, avec vue sur la mer. À gauche, une petite porte conduit directement dans le garage. Aucune place n'est perdue en couloir, ce qui donne une belle sensation d'espace. Au mur, des petits cadres montrent Barthes et sa femme photographiés devant des magasins, arborant un sourire niais. Toute une collection d'arlésiennes, passion de Maïtena, s'étale sur les meubles, dans les vitrines. Il y en a même une haute de plus d'un mètre à l'entrée. Elle sert de porte-manteau à Barthes, aux grandes dames de son épouse. « J'ai téléphoné au SAMU, » fait Louisa. « Ils envoient un médecin. »« Vous savez, Louisa, le SAMU ne pourra pas faire grand-chose pour Maïtena. En revanche, je vais téléphoner à... »« Vous n'avez touché à rien, » dis-je en m'adressant à tous les deux. Soudain, Barthes sort de sa torpeur et de son aphasie. « Et qu'est-ce que ça change qu'on touche quelque chose? Tu veux me le dire ?» Pour n'affoler personne, je cache mes intentions et dis sur un ton rassurant « Il s'agit d'un accident. Il va falloir faire un constat, ne serait-ce que pour les assurances. »« Tu permets ?» fais-je à Barthes en me saisissant du bigot. Qu'il me réponde ou non, c'est égal. Je suis déjà dans la cuisine pour m'isoler un peu. « Allô, c'est toi, Gérard ?»« C'est Volpi, là. »« Non, moi, rien de grave. »« Il faut que tu préviennes le boss. »« Oui. » »« Chez Barthes. » À côté de chez moi. Sa femme. Oui, un accident, enfin. Dis-lui qu'il peut déjà prévenir le parquet. Allez, ciao. Ils vont venir, dis-je aux 2 autres, sans préciser qui. Comme pour faire descendre la nouvelle, Louisa se resserre une lichette, profitant des circonstances. Pour meubler le silence en attendant les uns et les autres, je commence à poser des questions. Ça me manque d'interroger les gens, moi qui aime tellement ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Louisa? Moi, j'étais sur la terrasse. Je mettais les chaises et les fauteuils à l'abri parce que, avec ce vent, il y en avait partout. Il y a même un fauteuil sur la bâche de la piscine. Avec les doubles vitres, j'ai rien entendu. Quand je suis rentré, j'ai découvert madame dans l'escalier, avec monsieur à côté. Et toi, Fred? Fred se renverse dans le canapé. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? Ce n'est pas ça qui va la ramener. Tu m'énerves avec tes méthodes de vieux flic. J'étais dans le bureau, de l'autre côté de la chambre. J'ai vaguement entendu qu'on sonnait à la porte. Maëtina a crié « On a sonné !» Je n'ai pas bougé parce que j'étais en pleine phase d'atterrissage sur mon ordi. C'est la première fois que j'arrivais jusqu'au bout du jeu. Après, j'ai entendu Maëtina pousser un cri et je suis venu voir. Je me suis précipité quand je l'ai vu comme ça, mais j'ai compris tout de suite, va. Et voilà. On frappe de coups rapides à la porte d'entrée et un homme jeune entre avec précaution lesté d'une lourde sacoche. Je suis le médecin du SAMU. Et c'est pour la dame, là? Allez-y, dit Fred d'un ton là. Je me lève et me place à côté du médecin qui contemple d'abord le corps depuis le bas de l'escalier. Il monte la première volée de marche et saisit la main de la morte. Elle est morte depuis presque une heure à peu près. Il n'y a malheureusement plus rien à faire. Il va pour soulever la tête de Maëtena. Là, je ne peux me retenir. Surtout, ne la déplacez pas. Derrière moi, j'entends Fred qui marmonne. Mais qu'est-ce qu'il nous gonfle encore, celui-là? Apparemment, c'est la chute qui a causé la mort, à moins qu'elle n'eût une attaque foudroyante avant de s'engager dans l'escalier. De plus, vu la position de la tête, elle doit avoir les cervicales brisées, ce qui a dû entraîner une rupture de la moelle épinière. Je vous délivre le certificat de décès. Je prends le médecin par le bras et l'amène à l'étage supérieur pendant que les deux autres dans le salon cuvent plus ou moins leur whisky. « Je regrette, docteur, » dis-je à voix basse, « mais il s'agit d'une mort violente. Vous n'êtes pas habilité à délivrer le constat de décès. Vous n'avez pas remarqué que si elle avait simplement glissé sur la première marche, elle se serait peut-être cassée une jambe, le bassin ou un bras, mais certainement pas le cou. Pour ça, il a fallu qu'elle tombe sur la tête, qu'elle fasse un soleil. Vous me comprenez ?»« Oui, vaguement. » Regardez son pied droit, le dessus du pied. Vous voyez l'hématome et la peau arrachée, c'est récent, non? Oui, en effet. Regardez la pantoufle qu'elle a perdue, là-haut, sur la première marche. Qu'est-ce que vous en concluez? Peut-être qu'au lieu d'avoir un malaise, elle a glissé, ou on l'a poussée. Ah, vous voyez quand vous réfléchissez. Et puis sur quoi aurait-elle glissé, hein? Les marches ne sont pas glissantes, c'est du bois, et même pas ciré, non? Moi, je vous dis qu'elle a buté dans un obstacle qui lui a bousillé le pied et que cet obstacle a disparu. Oui, oui, je comprends mieux maintenant. De toute façon, pour en avoir le cœur net, il faudrait une autopsie. Là, on verra si elle a fait un infarctus et si. Et si, on verra bien. En attendant, pour donner le change, donnez-moi un papier bidon, n'importe quoi. Ça me fera gagner du temps en attendant l'arrivée des gendarmes et du médecin légiste. Mais je ne comprends pas, monsieur. Vous êtes de la famille? « Dans ces conditions, pourquoi avoir appelé le SAMU ?»« Non, ce n'est pas moi qui vous ai appelé, » je lui murmure. « C'est la bonne. Moi, je suis leur voisin et commissaire de police. J'ai l'œil, si vous préférez. » Sur ces entrefaites, je reconduis le médecin à la porte avec force civilité. « Voilà, c'est fini. Merci beaucoup, docteur. » Après avoir placé le pseudo-certificat sous une potiche sur le buffet, je dis à l'adresse des deux autres, « Je mets le papier là pour ne pas le perdre. » Puis je me laisse de nouveau tomber dans un fauteuil. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» demande Louise, inquiète. « Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise ?» la pauvre Maëtena. « Il a fait le certificat de décès. »« On va la porter dans la chambre maintenant, » propose Louisa. « Oui, oui, mais ça ne presse pas. »« Bon sang, elle va me lâcher les baskets, celle-là. » Jusqu'ici, j'ai réussi à les mettre tous les deux dans le vent en leur dissimulant mes soupçons. Mais là... Il faudra qu'il se passe quelque chose car je commence à être en mal d'inspiration, question, improvisation. Ma bonne étoile m'ayant exaucé, j'entends un crissement de pneus dans les gravillons de l'allée. La porte s'ouvre sans qu'on ait frappé. C'est Chavannes, accompagné de deux brigadiers. Les trois hommes entrent en silence, enlevent leur képi. Je sens que Bart va péter un boulon. Mais qu'est-ce que vous venez foutre ici? Vous ne voyez pas que je viens de perdre ma femme? Allez, foutez le camp ou ça va mal se passer! Chavannes appuie légèrement sur les épaules de Bart pour qu'il se rasseye dans son canapé. « Calmez-vous, monsieur Bart. Il s'agit d'un accident, et c'est normal que nous fassions une rapide enquête, ou un constat, si vous préférez. Vous n'allez pas nous enquiquiner pour un arbre tombé dans le jardin, tout de même. Personne n'a porté plainte. » Juste au bon moment, de petits coups sont frappés à la porte et Gilda montre timidement sa frimousse. « Qu'est-ce qui se passe, Gino? Il y a un problème ?» Elle aperçoit leur Maëtena qui, bien évidemment, est toujours dans la même position sur les marches de l'escalier. Gilda s'approche timidement du corps. « Oh mon Dieu, la pauvre !» Spontanément, elle se dirige vers Bart et lui entoure les épaules de ses bras, les yeux déjà pleins de larmes. « Mon pauvre Fred, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Comment est-ce arrivé ?»« C'est justement ce que nous allons essayer de déterminer, Madame Volpi. »« Mais elle a glissé !» rugit Bart. Et en aparté, il marmonne. « Qu'est-ce qu'il ne les brise, cela ?» Chavannes et ses deux hommes observent le corps. Un des gendarmes prend des photos. Un autre mesure la distance qui sépare la tête de Maïtena de la première marche de l'escalier. C'en est trop pour Bart, qui se lève en gesticulant. « Mais nom de Dieu, qu'est-ce que vous foutez ? C'est pas un accident de la route ? Ma femme est morte. Morte, vous comprenez, bande de niailles ? Et vous venez me casser les pieds avec vos photos et tout votre bazar. Allez, foutez-moi le camp !» Chavannes pose la main sur l'épaule de Bart qui beugle. « Ne me touchez pas !» Monsieur Bart, la mort de votre femme est suspecte. À première vue, il ne s'agit pas vraiment d'un accident. Ou disons que cet accident a peut-être été provoqué. « Alors c'est ça, j'ai tué ma femme. Ben voilà, il fallait le dire !» hurle Bart en tendant ses deux poignets pour qu'on lui mette des bracelets. « Mais non, Bart, vous n'êtes pas suspecté. Pour l'instant, nous essayons de comprendre comment votre femme est morte, pour n'avoir le cœur net. Ça ne fait pas de vous un coupable. Qui était présent lorsque votre femme est tombée ?»« Des gains. Moi j'étais dans mon bureau et Louisa, elle était sur la terrasse. Pas vrai, Louisa ?»« Eh oui, j'ai attaché le mobilier du jardin pour qu'il ne parte pas à la mer. » Ensuite, j'ai été à la terrasse, je suis rentré et je l'ai trouvé comme ça, dans l'escalier. « Et vous, monsieur Bart ?» questionne Chavannes. « Moi, j'étais dans mon bureau. J'étais en train de jouer à Flight Simulator, sur mon ordi. On a sonné à la porte, mais j'ai pas voulu y aller. »« Moi, de la terrasse, j'ai rien entendu, » précisa Louisa. « On a sonné une deuxième fois et Maïtena s'est précipitée dans l'escalier en marmonnant. Elle a crié « Merde !» et un bruit a fait vibrer toute la cloison. » Je me suis précipité, elle était là, comme ça, elle ne bougeait plus. Je l'ai appelée, je lui ai tapoté les joues, mais elle était déjà morte. Ça, je l'ai tout de suite compris. Chavannes relève sa tête, jusque-là plongée dans son carnet. Vous voyez bien, monsieur Bart, aucun de vous n'a assisté de visu à l'accident. Il est donc normal que nous essayions de savoir comment votre femme est tombée, puisque malheureusement, cette chute a entraîné sa mort. Il n'y avait personne d'autre dans la maison, vous en êtes sûrs, tous les deux. Louisa et Bart ne répondent que par hochement de tête affirmatif. Il n'empêche que si Maïtena a crié merde, c'est qu'elle n'était pas en train d'avoir un infarctus.